Chapitre 8. Un énergique genevois appelle la Suisse au secours de Genève et de la Réformation. Septembre et octobre 1535. 9-8. On se prépare à prendre Genève. Projet de l'empereur. Épouvante et refuge. Berne est travaillée en sens divers. Noble réponse des genevois au duc. Discorde entre deux chefs. De la Maisonneuve, capitaine général. Les dangers augmentent. Savoie se tourne vers le Jura. Wildermuth promet son secours. Erhard est l'héroïne de Nidau. Des Neuchâtelois répondent à l'appel. Le gouverneur s'oppose. La troupe auxiliaire se forme. Les Neuchâtelois hésitent. Lutte et prière, la troupe réduite de moitié. La joie qui remplissait alors Genève ne devait pas être de longue durée. Le jour était beau et pourtant certains signes donnaient à connaître que la tempête n'était pas éloignée. La réformation qui s'était accomplie excitait à Turin, à Rome et autour du puissant Charles Quint le mécontentement le plus vif. Jusqu'alors, il y avait eu quelques escarmouches dirigées contre cette ville. On avait dévasté ses terres, on avait coupé ses vivres, on avait même placé des échelles contre ses murailles. Mais maintenant, une campagne en règle allait s'ouvrir. L'ennemi était décidé à ne pas poser les armes qu'il ne l'eût prise et transformée en ville papiste et savoyarde. Les partisans de Rome sentaient le danger. Ils se disaient que Genève était à la fois à la porte de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, et que si la réformation s'y établissait, il y avait de quoi compromettre l'existence même de la papauté. Aussi ne pensaient-ils qu'à dompter la révolte. Fût-ce même au prix de beaucoup de sang et à traiter Genève comme autrefois Albi de sainte et illustre mémoire. Paul III, ami du monde, ami des beaux-arts, voulait pourtant employer d'abord des moyens plus doux, réduire la ville par la famine. Ces luthériens de 4 jours, disait-il, seront bientôt dégoûtés de leur hérésie. Il se trompait, mais le duc de Savoie ne partageait pas son erreur. Ce prince d'une certaine bonté envers les siens était, quand il s'agissait de Genève, dur emporté, impitoyable. C'est lui qui devait être le Simon de Montfort de la nouvelle croisade. Impossible, disait-on, que les Genevois subsistent, vu toutes les alliances du duc. D'une part, il y a l'empereur, son beau-frère, le roi de France, son neveu, le roi de Portugal, son beau-père, les Suisses, ses alliés, et puis tous ces sujets qui environnent Genève, 200 lieues à la ronde, comme des loups entourent un parc de faibles brebis. D'autre part, il y a le pape, les cardinaux, les évêques et les prêtres, dont l'évêque de Genève a faveur et support. Le cabinet de Turin résolut donc de se mettre à l'œuvre. Le 30 août, le duc signala publiquement Genève comme atteinte de la peste, défendit sous peine de mort à ses sujets d'avoir aucune communication avec les habitants et promit l'hospitalité dans ses états à tous ceux qui voudraient fuir l'épidémie. On croyait en Piémont qu'il n'y resterait que quelques brouillons et qu'un coup de main rendrait l'armée ducale maîtresse de cette ville. Tout se prépara dans les états de Charles III pour frapper un coup définitif. Le 28 août et le 24 septembre, des compagnies nombreuses arrivèrent jusqu'aux portes de la ville. Mais les Genevois les repoussèrent. Ce n'était qu'escarmouches d'éclaireurs. On préparait des attaques plus redoutables. Charles Quint, vainqueur de Barberousse, demanda aux ligues suisses, réunies à Baden, de prêter main-forte au duc de Savoie. On disait en plusieurs lieux que le plan de ce puissant monarque était de détruire 4 cités, Alger, Genève, Wittenberg et Constantinople, 2 villes de l'Alcoran et 2 de l'Évangile. Une antique prophétie ne parlait-elle pas d'un empereur qui devait faire la conquête du monde, ordonner sous peine de mort l'adoration de la croix, puis être couronné dans Jérusalem par un ange de Dieu? Cet empereur, disait-on, c'est Charles Quint. L'épouvante commençait à gagner la population genevoise. Les conseils délibéraient, mais en vain, sur ce qu'il y avait à faire pour sauver la ville. On voyait des chefs de famille s'asseoir à leur foyer, l'œil morne, la bouche muette, le front chargé de soucis, et des groupes se former çà et là dans les rues. Hélas, disait-on, que d'infortune, tout autour de la ville, empêchement de vivre, pillerie, incendie, assaut de guerre, dans la ville même, grandes intelligences en faveur de nos ennemis. Comment une poignée de gens résisterait-il à de telles multitudes? Alors les prêcheurs de la parole remontraient les magnifiques délivrances racontées dans les Écritures. « Il fera de même pour vous aujourd'hui, disait-il, moyennant que vous ayez en lui votre fiance totale. » Et relevé par cette parole puissante, ces hommes contre lesquels les princes consultaient ensemble s'écriaient « Nous ne voulons avoir qu'en Dieu seul notre espoir et notre refuge ». Charles III, encouragé par l'appui de l'empereur, envoya ses ambassadeurs au canton suisse et demanda que le duc et l'évêque, conduits par messieurs de Berne, rentrassent dans Genève pour y reprendre toute leur prééminence, et que personne n'innovât. Heureusement que les députés de Genève, Lulin, Desclés et Claude Savoie étaient là, et demeurèrent fermes comme un roc pour maintenir les droits de leur patrie, les Suisses, voyant les deux parties également inflexibles, se retirèrent en disant « Cette affaire de Genève nous ennuie à la mort. Tirez-vous-en comme vous pourrez. » Lulin et Desclés retournèrent à Genève, mais Claude Savoie, décidé à obtenir du secours, demeura dans les ligues. Les espérances de cet énergique réformé n'étaient pas sans quelque fondement. Quand le conseil de Berne avait appris l'abolition de la messe à Genève, il s'en était réjoui et avait écrit le 28 août au magistrat une lettre de félicitations. « Puisque vous avez connu la vérité, leur avait-il dit, veillez en Icelle et fermement persévérez. Ce faisant, ne craignez pas que Dieu finalement vous laisse ruiner. » Claude Savoie se rendit à Berne. Y étant arrivé, il allait de maison en maison et paraissait devant les chefs de l'État. « Quoi, disait-il, vous nous avez envoyé votre ministre Farel, et maintenant que nous avons obéi à la parole qu'il nous a prêchée, vous nous livreriez aux mains cruelles de nos ennemis ?» Le noble réformateur Berthold Haller le soutenait de toutes ses forces et demandait que Berne n'abandonnât pas lâchement Genève. Mais les députés de Turin travaillaient les seigneurs du Conseil en sens contraire. L'intérêt propre prévalut parmi ces patriciens. « Levez des troupes pour votre défense, » répondirent-ils à Savoie, « pourvu que ce ne soit pas sur nos terres. Tout ce qu'il nous est possible de faire pour vous, c'est de vous recommander à la grâce de Dieu. » Et ils terminèrent par cette locution énergique, mais un peu familière, « La chemise, monsieur, nous est plus près que la robe. » Quand les Genevois apprirent le refus de Berne, ils en furent consternés. Berne, réformé comme eux, les abandonnait. La foi, si nécessaire au peuple, commençait à chanceler dans bien des cœurs. Mais Farel s'efforçait de raffermir ceux qui étaient ébranlés. « Certes, leur disait-il, messieurs de Berne nous ont remis à un maître qui est grand et fort. Adieu. C'est lui qui doit avoir tout l'honneur de notre délivrance, et non les hommes. Il a fait de plus grandes choses que c'est ici. Il montre toujours sa puissance dans ce qui est désespéré. Et quand il semble que tout soit perdu, c'est alors que tout est gagné. La cour de Turin ne pensait pas comme Farel, et voyant les Suisses abandonner Genève, elle ne douta plus que cette ville tant convoitée ne tombât bientôt dans ses mains. Il fallait profiter de l'abattement des citoyens. Aussi le cabinet piémontais envoya-t-il promptement des ambassadeurs qui sommèrent les magnifiques seigneurs de Genève, au nom de leur maître, de bannir l'hérésie et les hérésiarques, de rendre à l'évêque et au clergé leurs droits, et de rétablir les images. Mais les Genevois, plus fiers encore dans le malheur que dans la prospérité, répondirent aux députés, « Noble Seigneur, nous sacrifierons nos fortunes, nos intérêts, nos enfants, notre sang, notre vie, au maintien de la parole de Dieu. Et même, plutôt que de livrer ce saint dépôt, nous mettrons le feu, comme l'ont fait jadis les Helvétiens, aux quatre coins de notre ville. » Les ambassadeurs portèrent à leur maître cette héroïque réponse, et le duc hâta les préparatifs. Un danger non moins grand, plus grand peut-être, menaçait Genève, la discorde. Une haine implacable, semblable à celle qui se trouvait jadis entre César et Pompée, disait-on, divisait le capitaine général Philippe et le syndic Michel VII. Haine fatale, d'où devaient sortir des maux infinis, perte de biens, d'honneur, de personnes, bannissements et morts. Les uns prenaient parti pour Philippe, les autres pour Michel VII. Quand le fils aîné du capitaine général, disaient les premiers, fut fait prisonnier par les hommes de Penet, et que ceux-ci demandèrent pour sa rançon la mise en liberté de tous ceux des leurs qui étaient captifs à Genève, Michel VII répondit « Non, ce serait contraire aux intérêts de l'État. » Sans doute répondaient les amis du syndic, mais n'a-t-il pas ajouté « Rachetons le fils de Philippe, je donne pour ma part 300 écus. S'il s'agissait de mon propre fils, mon avis ne serait autre. » Le conseil ayant en conséquence refusé l'échange, le capitaine général, homme libéral et courageux, mais orgueilleux, turbulent, téméraire, jura à Michel VII une mortelle haine. il jetait partout feu et flamme contre le vénérable magistrat, et sacrifiant à son ressentiment les intérêts de la patrie, se retira comme Achille sous sa tente. « Je suis malade, répétait-il, je ne veux plus être capitaine général. » Une extrême susceptibilité peut perdre un homme et souvent un État. La démission du capitaine général en des circonstances aussi graves que celles où se trouvait Genève, ainsi que les divisions dont elle était accompagnée, augmentaient fort les périls de la ville. De plus, on ne savait qui donner à Philippe pour successeur. Plusieurs demandèrent Baudichon de la Maisonneuve, or il était prompt et impétueux, comme l'autre, et le conseil eût voulu un esprit plus rassis, plus pénétrant, plus prévoyant. Il craignait la fougue et le manque de circonspection de ce hardi citoyen. Mais ses amis représentaient que nul n'était plus dévoué à la cause de l'indépendance et de l'Évangile, que ce qu'il fallait maintenant, c'était un chef intrépide et plein d'élan. De la Maisonneuve fut nommé capitaine général. Aussitôt, le nouveau commandant en chef ordonna une montre, revue, de tous les braves qui étaient prêts à sortir avec lui pour aller au-devant de l'ennemi. Il n'y avait que 400 hommes, n'importe. De la Maisonneuve saisit un drapeau sur lequel il avait fait peindre des larmes de feu. Ce drapeau avec ses larmes est un peu théâtral. Plus de simplicité eût été mieux à cette place. Toutefois, c'était un sentiment vrai et profond de la situation tragique où se trouvait Genève qui animait de la Maisonneuve. Il déploya son étendard devant ses 400 soldats et s'écria « Que chacun soit prêt à mourir, ce ne sont plus des larmes ordinaires qu'il faut répandre, mais des larmes de feu, des larmes de sang. » La troupe étant rentrée dans la ville, se rendit dans les temples. Farel avait autant d'ardeur pour prier que Baudichon pour combattre. Tous les jours, il y avait des sermons et des oraisons au Seigneur. « Ô Dieu, disait le réformateur, qu'il te plaise défendre ta cause. » En effet, ce n'était pas seulement l'indépendance de Genève qui était menacée, c'était la réformation. Les Genevois énuméraient leurs souffrances, outrages, pauvreté, famine, froid, perte de biens, meubles et bestiaux, dérobés par les bandes de pillards, jeunes enfants et même hommes et femmes enlevés, maltraités, mis à mort. Assauts qui se baillent, toutes les heures, et si rudement que l'on ne peut plus les soutenir. Mais les plus grands maux étaient à venir. Charles de Savoie, soutenu par l'empereur, engageait de vieux soldats italiens et espagnols et choisissait pour les commander un des plus cruels capitaines du siècle, employé plus tard par Charles Quint contre les protestants d'Allemagne. Les chefs de l'État, pénétrés de la grandeur du péril, firent le 3 octobre cette déclaration « Nos ennemis se préparent chaque jour pour nous outrager, en sorte que si Dieu ne nous donne secours, nous ne pourrons échapper à leurs mains sanguinaires. » Pendant ce temps, Claude Savoie, qui sollicitait le secours de Berne, n'éprouvait que des refus. Il était triste, angoissé, tout s'obscurcissait autour de lui, il ne savait d'où pouvait venir le secours. Tout à coup, un rayon de lumière l'éclaira. Farel avait annoncé à Neuchâtel l'évangile qu'il prêchait à Genève. La ville, les villages et les vallées de ce pays étaient le théâtre de nombreuses victoires du réformateur. Il avait aussi prêché aux montagnards de l'évêché de Bâle, qui s'était imaginé entendre un ange descendu du ciel. Claude Savoie, rejeté par les seigneurs de Berne, porta donc ses regards vers le Jura, où la langue française étant en usage, il lui serait facile de plaider la cause de sa patrie. Il secoua contre Berne la poussière de ses pieds et partit. Il y avait dans ces contrées un homme connu par son zèle évangélique, ami de Farel, et sur lequel Savoie croyait pouvoir compter. Jacob Wildermuth, ou par contraction Wildermuth, appartenait à une famille dont les membres occupaient les premières charges à Bienne, où ils étaient maires héréditaires, mais ils possédaient aussi la bourgeoisie de Neuchâtel. Et celui dont nous parlons semble avoir souvent résidé dans ces derniers pays. Son père s'était distingué dans les fameuses batailles de Morat et de Granson, et lui-même avait fait les campagnes d'Italie de 1512 à 1515. Wildermuth signifie « courage sauvage ». Ce nom désignait bien ce guerrier intrépide. Quoique âgé, il avait le feu de la jeunesse et pouvait supporter de rudes fatigues. Quand vers la fin de 1529, Farel s'était présenté à Neuchâtel, Wildermuth l'avait accueilli et les autorités ayant défendu aux réformateurs de prêcher dans les églises, « Restez, lui avait dit le soldat, je vous ferai prêcher dans les maisons. » Il s'était vu aussitôt assailli de menaces. « Je puis bien les braver, avait-il dit, car je sais que Dieu est plus fort que l'homme ou le diable. » Tel était l'homme auquel Claude Savoie exposa le danger de Genève. Il conçut aussitôt la pensée de délivrer cette ville. Wildermuth n'était pas seulement plein de foi dans l'Évangile et d'aversion pour les superstitions ultramontaines. Il était encore intelligent, habile, courageux. Ayant fait jadis la guerre d'Italie, il savait mieux qu'un autre organiser et conduire des corps de volontaires. « Un bourgeois de Berne, lui dit le Genevois, m'a remis 600 couronnes afin de lever une troupe destinée à repousser le duc et le pape. Eh bien, dit le guerrier suisse, je me charge avec le secours de mon cousin Herhard de Nidau, qui a la main forte, de vous enrôler de vigoureux compagnons et de les mener secrètement et promptement à Genève. » À une demi-lieue de Bienne, sur le lac de ce nom, dans le Seeland, qui fait partie du canton de Berne, se trouve la jolie petite ville de Nidau. Erhard Bourgeois était l'un de ses citoyens les plus dévoués à l'Évangile et à la liberté, mais de plus, un de ces hommes forts et pratiques qui savent s'y prendre pour agir sur les autres et qui, quand ils ont une fois embrassé une cause, ne l'abandonnent pas avant son triomphe. Il fit aussitôt connaître dans Nidau et les lieux environnants la position critique de Genève. S'il avait la main forte, sa voix n'était pas moins puissante. Ceux qui aimaient l'Évangile et haïssaient le despotisme répondirent à son appel. Dans une humble demeure de cette localité vivait, avec son mari et ses trois fils, une femme dont le nom ne nous a pas été conservé. Pleine d'un zèle ardent pour l'Évangile, elle résolut de contribuer à la délivrance de ses frères de Genève. L'esprit religieux a souvent revêtu la femme d'une force qui ne semble pas être l'apanage de son sexe. L'héroïne de Nidau se lève. Elle saisit une épée à deux mains et, s'adressant à son mari et à ses trois fils, elle leur bâille à tous courage. Elle brûlait du désir de marcher avec les siens à la rencontre de ces soldats de la Savoie qui, poussés par le pape, marchaient contre Genève. Leur nombre, leur force ne l'arrêtaient pas. « Quand il n'y aura que moi, dit-elle à son mari et à ses enfants, je voudrais batailler avec cette épée tous ces Savoisiens. » Le père et les fils étaient eux-mêmes fort vaillants compagnons et fervents à l'Évangile. Ils se présentèrent tous les cinq à Erhard afin d'aller délivrer Genève. C'est un grand signe, a-t-on remarqué, quand les femmes elles-mêmes se mêlent de soutenir des droits et encouragent leurs fils et leurs maris au lieu de les détourner de la bataille. Quand cela arrive, les ennemis sont perdus à l'avance. On l'a vu dans l'Antiquité et dans les temps modernes. Le feu qui animait cette héroïne se répandit tout autour d'elle et un bon nombre de vaillants compagnons accoururent du Seeland, de Bienne et des vallées du Jura pour se ranger sous le drapeau d'Erhard. Pendant ce temps, Claude Savoie et Wildermuth appelaient les hommes de bonne volonté à Neuchâtel et dans ses vallées. Partout, Savoie faisait des doléances sur la pauvre cité de Genève. « Au nom de Dieu, disait-il, assistez-nous. Baillez aide et secours à vos frères chrétiens, qui tiennent une même loi et une même foi que vous, et qui, parce qu'ils font prêcher l'Évangile et défendent leurs libertés et franchises, sont environnés des ennemis de la foi. » Ces paroles n'étaient pas vaines. Bien des esprits généreux rejetaient loin d'eux les pensées égoïstes qui auraient pu les retenir. « Ne serons-nous pas émus de pitié envers nos frères en notre Seigneur ?» se disaient les uns aux autres, et ceux de nos châtels. La charité que nous devons à notre prochain ne nous pressera-t-elle pas ? Un des plus fervents était Jacques Bayot, appelé aussi le Banneret Bayot, dont la famille, une des plus anciennes du Val de Travers, occupait les premières charges de l'État. Il était, à ce qu'il paraît, mal fait de corps, petit, un peu bossu, à peu près comme un Ésope, disaient quelques-uns, mais il était habile et vaillant capitaine. Beaucoup d'hommes du Val de Travers et d'autres lieux se rendirent à son appel. À Neuchâtel même, un ancien membre du conseil se distinguait par son zèle. C'était André, dit Mazellier, c'est-à-dire le boucher. Doué de l'un de ces caractères fermes qui, quand ils ont mis la main à la charrue, ne regardent pas en arrière. Bientôt, dit un chroniqueur contemporain, 1000 hommes d'élite, belles gens de guerre, fidèles et de grand cœur, s'il y en a entre tous les Suisses, furent assemblés et prêts à partir pour aller secourir Genève à leurs propres dépens. Selon d'autres, 800 à 900 hommes seulement prirent les armes. Cependant, le bruit de ces préparatifs arrivait au château de Neuchâtel. Le sire de Rive de Prangin, gouverneur du comté pour la princesse de Longueville, homme papiste et savoyard, dit le chroniqueur Roset, grand adversaire de la parole, dit Froment, avait fait tout ce qu'il avait pu pour empêcher la réformation de s'établir dans le pays, et voilà maintenant que des Neuchâtelois veulent aller la soutenir à Genève. Étonné de tant d'audace, il fit défense à ses braves de bouger, et cela sous peine de toute son indignation. Parmi ceux qui avaient répondu à l'appel de sa voix, il y en eut alors qui hésitèrent. Un certain nombre de ces braves gens n'avaient pas de forte croyance et une forte volonté pour les maintenir. Plein de respect pour Madame la Princesse et son gouverneur, ils pliaient facilement sous l'autorité qui prétendait les contraindre. Les femmes s'efforcèrent de ranimer leurs ailes. Ce n'était pas, aux yeux de celles-ci, une guerre ordinaire. Il s'agissait de combattre pour la parole de Dieu. Réformées ardentes, elles avaient à cœur autant que Farel de soutenir la foi, et joignaient à la pure doctrine cette vive sensibilité, cet élan du cœur qui sont l'apanage de leur sexe. « Allez, allez-y, » disaient-elles, « si vous n'y allez pas, nous irons nous-mêmes. » Quelques-unes, en effet, allèrent comme l'héroïne de Nidao. D'autres, parlant au nom de la religion, imposèrent à leurs maris et les décidèrent. « Nous ne voulons pas laisser nos frères chrétiens de Genève périr misérablement, » dirent les Neuchâtelois à ceux qui voulaient les retenir. « On ne leur fait la guerre pour aucune autre cause que pour détruire l'Évangile et leur liberté. Pour telle querelle, nous voulons tous mourir. » Maintenant, il fallait partir. Ces hommes, qui s'étaient levés dans les villes, les vallées et la plaine pour défendre, sans caractère officiel, une cité qu'ils n'avaient jamais vue, n'étaient pas armés de pied en cap, comme les brillants chevaliers savoisiens qu'ils allaient combattre. Quelques-uns avaient des mousquets, tous avaient des épées, mais ils ne portaient ni casque, ni cuirasse. La justice de leur cause devait être leur cuirasse. Ce fut le 7 octobre au soir que se mit en marche le corps le plus éloigné, celui qui venait de Bienne, de l'évêché de Bâle, de Nidau et du Seeland. Il est probable qu'il traversa le lac de Neuchâtel pour éviter la ville. Arrivé près de l'entrée du Val de Travers, il s'arrêta. C'était là qu'était le rendez-vous. Ceux de Neuchâtel, de Valangin et d'autres localités arrivèrent bientôt et tous se trouvèrent réunis dans ces contrées pittoresques où l'Areuse se précipite hors de la vallée. L'intrépide Wildermuth prit le commandement. La troupe s'apprêtait à partir quand elle vit une cavalcade arriver du côté de Neuchâtel. C'étaient des officiers du gouvernement, envoyés par lui pour s'opposer à ce que des sujets de Madame marchassent au secours de Genève. Ayant atteint la troupe, ces délégués du sire de Prangin abordèrent les gens de leur ressort et leur ordonnèrent de retourner chacun dans leur demeure. Aller se battre contre le duc de Savoie était se mettre en révolte contre leur souveraine, qui les traiterait comme des rebelles. Leur furent faites plus grandes défenses qu'auparavant, avec fortes menaces, tellement que plusieurs perdaient courage. Ces Neuchâtelois n'avaient pas d'abord réfléchi que leur gouvernement était vivement opposé à la réformation. Maintenant, leur respect pour les puissances établies contrebalançait les sentiments qui les avaient portés à venir en aide à l'Évangile. Ils craignaient les conséquences fâcheuses que leur désobéissance pourrait avoir pour eux et leur famille. On les voyait agités, partagés. Wildermuth et d'autres bons personnages, s'apercevant que quelques-uns fléchissaient, en étaient navrés. Mais ils ne voulaient pas d'hommes dont les cœurs fussent affaiblis. Il était juste à leurs yeux de protéger les innocents contre les méchants. Mais ils ne voulaient pas imposer leurs convictions à leurs frères. Wildermuth s'écria, « Camarades, si vous n'avez pas le courage de mourir pour Genève et de tuer autant de faux prêtres qu'il s'en présentera, allez-vous-en. Mieux nous vaut être peu mais de cœur comme autant de Gédéon que de traîner après nous des timides. » La lutte devenait toujours plus vive chez les Neuchâtelois. Iront-ils en avant? Retourneront-ils en arrière? Wildermuth avait nommé Gédéon. On se rappela que ce chef en Israël avait consulté Dieu pour savoir s'il devait marcher contre Madian. Ces bonnes gens qui avaient pris les armes pour la cause de Dieu croyaient en Dieu et dans son secours. Tous donc se mirent en prière sur la place même où ils se trouvaient, afin de demander au souverain Seigneur le chemin qu'ils devaient prendre, et cette troupe auparavant tumultueuse fut pendant quelques minutes dans un grand silence. Dieu lui-même devait choisir ceux qu'il voulait pour la bataille. La prière finie, chacun se leva, et l'énergique capitaine s'écria à haute voix et avec grande affection, « Maintenant qu'ils retournent dans leur maison, ceux que les menaces épouvantent. Mais vous, auquel Dieu a donné le cœur de batailler pour nos frères, sans crainte de votre vie, en avant !» 300 à 400 retournèrent dans leur foyer. Il n'est pas douteux qu'ils le firent par un principe d'obéissance à l'autorité supérieure. Les autres, qui appartenaient surtout au canton de Berne et au Jura, n'avaient pas reçu de pareille défense, et quoique diminués, ils n'hésitèrent pas. Le petit corps d'armée était réduit de moitié et composé de 415 hommes, mais ceux qui restaient étaient pleins de foi et de courage. Ils partirent en invoquant le nom de Dieu, lui demandant de leur être en aide.